c'est la saga des Fab Four numéro 603. J'allais dire 604. Ouais, c'est... Allez savoir pourquoi. J'espère que tout va bien se passer entre vous et moi. Il n'y a pas de raison. On est ensemble jusqu'à 22h et des grosses brouettes. Parce que c'est une spéciale, c'est une 100% McCartney. Je compte sur vous pour discuter sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Je vous donne le programme en première chanson du McCartney, en dernière chanson du McCartney. Sachez que ça a été très très très très difficile. J'ai d'abord commencé par programmer les chansons que j'aimais bien. Et quand je me suis rendu compte qu'il y en avait 6 heures, je me suis dit bon, il va falloir qu'on s'arrange autrement. Alors j'ai voulu faire du chronologique. Et puis finalement, ben ça marchait pas trop chronologique. Enfin si, mais c'était attendu. Alors j'ai mélangé. Et puis j'ai coupé. Jusqu'à tenir plus de 2 heures. Et puis ben, j'espère que ça va bien se passer. Vous êtes prêts? Vous allez monter le son dès le début parce que ça commence en pétarade. Nous sommes en l'an 2000 et c'est la bande originale du film Maybe Baby. Première chanson de la soirée, Maybe Baby, par Paul McCartney, aidé par Jeff Lynne. to fly through the air. En 2001, sur l'album Drive in Rain de Paul McCartney, ce qui est très étonnant mais génial, c'est que McCartney reste en qualité à travers toutes les décades. Là, nous sommes dans les années 2000 et c'est encore très très très bien. Voyons même en 1999, lorsque Paul McCartney a perdu sa femme l'année précédente. Il se sent mal et chaque fois qu'il se sent mal, Paul McCartney, il va en studio, il revient aux racines, au rock and roll. Voici une preuve, She Said Yeah, sur l'album Run, Devil Run, Paul McCartney. tellement envie de vous passer des chansons que je vais laisser tomber l'historique pour ce soir. C'est quasiment Jukebox Paul McCartney, 100% McCartney sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. J'en profite, tiens, j'ai rencontré deux personnes, c'était quand, samedi dernier? En tout cas, c'était il y a très peu de temps. Pardon, c'est un petit chat que je vais faire sortir de ma gorge. Donc, j'ai rencontré deux personnes samedi dernier pendant un concert et qui connaissaient RIG mais qui ne connaissaient pas la saga des Fab Four. Je sais qu'ils m'écoutent ce soir, donc j'ai même pas pensé à leur demander leur prénom. Mais je sais que vous êtes à l'écoute tous les deux et ben, je vous fais une grosse bise de la part de Thierry pour ces nouveaux auditeurs de la saga. Et là, vous avez entendu To You, extrait de mon album chouchou. Vous savez que j'aime cet album Back to the Egg, Paul McCartney en 1979. Un must, un truc absolument extraordinaire. Avant de retrouver les Beatles, parce que il chante aussi avec les Beatles, Paul McCartney, et j'en ai mis dedans, je vous propose de tout savoir sur les trois sites sur lesquels il faut aller pour connaître des choses sur les Beatles. Il y a le Maca Club, plus tourné vers Paul McCartney, mais on peut parler les Beatles, le Maca Club sur le web. Il y a également yellowsub.net, plus généralisé sur les Beatles, mais qui aime beaucoup McCartney, et heureusement. Et puis, il y a le site international multiversel qui recense tous ceux qui sont connus par elle, en tout cas, ceux qui font des émissions sur les Beatles, c'est le site de Lovely Rita. Mais qui est donc Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde, c'est beatlesmagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. John Lennon disait, c'est plutôt un morceau pour moi, ça. J'aurais pu le chanter, je l'aurais fait mieux. Mais il aurait fallu qu'on sache, il aurait fallu qu'il le chante pour qu'on le devine. Parce que là, McCartney, c'est aussi chanter du rock en ayant la voix rock. Rock et rock. Ah oui, c'est Paul, ça. 1973. Et je vous propose la version du 50e anniversaire, la version de l'album Ben on the Run, mais blanc. Voici Jet sur RG. I got crows at my window, dogs at my door. I don't think I can take anymore. What am I doing wrong? I don't know. My brother told me life's not a pain, but that was right when it started to rain. Where am I going wrong? I don't know, but it's all right. Sleep tight, I will take the strain. You'll find love of mine, you will feel no pain. When I see trouble at every turn, I've got so many lessons to learn. What am I doing wrong? I don't know. Now what's the matter with me? C'est dommage que Paul McCartney ou l'équipe de Paul McCartney n'écoute pas la saga des Fab Four, parce que avec une émission comme celle-ci, je pense qu'il pourrait être convaincu que il a fait partie des Beatles, il a créé les Wings, il est en solo depuis 40 ans, mais les chansons actuelles restent vachement bonnes et elles pourraient faire l'objet de chansons chantées plus sans rapport avec son timbre de voix maintenant en concert. Ça changerait. Il pourrait faire un concert comme il faisait avant, et le concert d'après, en prenant des conseils avec l'équipe de la saga des Fab Four, par exemple. Doux rêve, ça n'arrivera jamais. Allez, en 2007, rappelez-vous, Paul McCartney n'avait que 65 ans. Mais pour une fois dans son clip, on le voit sans un seul instrument entre les mains, ou au bout des doigts, quand il s'agit d'un piano, et il danse. Oh, la danse, c'est pas extraordinaire. Mais la chanson est très très bien. Je l'aime énormément. Sur Memory Almost Full, voici Ever, Present, Past sur RIG. RIG 90.7, un spécial Paul McCartney. I've got too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it isn't too late.

richesse de la palette vocale de Mr. Paul McCartney. Là, c'était tout en douceur, Warm and Beautiful, en 1976, sur l'album At the Speed of Sound. Sur le même album, la même année donc forcément, un journaliste lui avait dit « T'en as pas marre de faire des petites chansons d'amour débiles ?» Eh bien, il en a fait une chanson, et il en a même fait un tube, « Silly Love Songs » sur RIG. Et là, je compte sur vous au refrain, tout le monde, on chante. Oui, oui, micro ouvert, tout le monde. RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four numéro 603, un spécial Paul McCartney. Chercher en France sur la bande FM une station de radio qui vous propose plus de deux heures de McCartney tout le temps. Il n'y a qu'ici, RIG 90.7, la radio des Beatles, le mercredi entre 20h et 22h. Et là, on va pousser un petit peu plus parce qu'Eric n'est pas là, donc on va en profiter comme on fait à chaque fois. Paul McCartney sort au minimum un chef-d'œuvre toutes les décennies. En 2005, le chef-d'œuvre c'était Chaos and Creation in the Backyard. Il reprend un peu le style Beatles pour cette chanson English Tea sur RG. To sit with me for a cup of English tea, very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the as a rule, the church bells chime when it's almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning. On est d'accord que cette chanson aurait pu sortir au temps de Revolver en 1966, par exemple. Elle n'aurait pas fait petite chose par rapport aux autres morceaux, hein? Mmh. Oui, je vous sens dire ok. Bon. Eh bien justement, puisqu'on parle des Beatles, on revient à la furie du début des Beatles. Première chanson du premier album, Please Please Me, with Love Me Do and 12 Other Songs. Voici I Saw Her Standing There sur RG. 1, 2, 3, 4! Yeah. Animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Quelle belle année, hein? Vous savez pourquoi? Bien, c'était le medley Kansas City, Hey, Hey, Hey, Hey, par Paul McCartney et les Beatles, forcément, sur un album qui s'appelle Très Pas Propre, For Sale, pour être exact. L'année suivante, ils rencontreront Elvis Presley, et Ringo Starr dira plus tard, à propos d'Elvis, quand Elvis, lui, fera la remarque, ils se sont mis à quatre pour me détrôner, Ringo Starr dira: on a senti que lui, Elvis, il était seul. Il avait beau être entouré de son gang, il était seul. Alors que nous, on était quatre et on s'amusait beaucoup et on était passionnés de musique, tous les quatre. Donc, c'était quelque chose qui les servait absolument pour progresser, pour faire quelque chose de bien. Et puis, ils faisaient leur propre musique aussi. Elvis en a fait très, très, très peu. Et bah, puisqu'on parle de très bonne musique, ça n'est pas la fin de la saga des Fab Four, mais je me devais de passer celle-ci. Le medley Golden Slumbers Carry That Weight, The End, sur RIG. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty dark. Sing a lullaby.

1983 sur l'album Pipes of Peace. Il paraît que c'est Linda qui avait proposé à Paul de chanter en voix de falsetto, comme ça. C'est vrai que si on se souvient de l'année 1983, il y avait les Bee Gees qui étaient encore là, et il y avait beaucoup de chanteurs qui chantaient avec une voix assez aiguë. Bien, Paul, là-dessus, est aussi capable de chanter avec une voix aiguë et de réussir ça très très bien. À savoir que sur cette chanson-là, il y a la moitié des Beatles, Ringo et Paul. Et lorsque Ringo fait le pop-pom sur la batterie, il le fait également avec la bouche. Je l'ai vu. Alors, il doit exister, le clip, parce que je l'ai vu. Je n'étais pas présent en 83. Je ne pense pas raconter des bêtises. Ou alors, peut-être. En tout cas, zéro faute pour l'instant. Ça se passe bien. Un spécial Paul McCartney de plus de 2 heures pour cette saga des Fab Four de fin de saison. Nous sommes à la saga des Fab Four numéro 603. Et donc, je vous ai dit sur Facebook, je l'ai pas dit en début d'émission, que j'avais préparé 2 chansons par album, il me semble, et même pour les Beatles, ça donnait à peu près 1 heure de Beatles. Et puis je me suis dit, c'est trop long, c'est beaucoup trop long. Eh bien, sur l'album Help, j'avais choisi Yesterday et une autre. Et j'avais l'intention, de toute façon, de faire une chanson relativement connue, une chanson moins connue. On va dire que cette chanson-là est connue quand même, mais peut-être plus par nous qui sommes des fans. La chanson juste avant Yesterday, I've Just Seen a Face, c'est maintenant et c'est sur RG. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Falling, yes, I am falling. And she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. Just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. My favourite singer has always been Paul McCartney. I give her all my love, that's all I do, and if you saw 1975 sur Venus and Mars, Treat Her Gently et Lonely Old People. Paul McCartney qui va dans tous les registres avec bonheur, il sait tout faire. La preuve, en 1982 sur Tug of War, voici Wanderlust sur 90.7, c'est la radio des Beatles, R.I.G. Nous sommes ensemble depuis à peu près 1h15. Et puisque vous ne semblez pas être fatigué, on a encore à peu près 1h15 à venir. On en est à peine qu'à la moitié de l'émission. Paul McCartney mérite son statut de légende vivante parce que dans les années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, et puis on espère longtemps en 2020, il continue à faire de la qualité. En voici une preuve. En 1993, Common People sur l'album Off the Ground. Et c'est sur RIG. We 1978 sur toutes les radios françaises et je m'en souviens. Voici With a Little Luck, Paul McCartney. C'est la première fois qu'il mettait les synthétiseurs en avant. Une grande réussite. There is no end to what we can do. J'écoute la saga des Fab Four sur RIG. Fait partie des gimmicks que utilise Stevie Ricks. C'est un imitateur très talentueux. Je crois qu'il est britannique. Peut-être qu'il est américain. On va tabler sur britannique. Et qui imite très très bien Paul McCartney. Il fait a bit of do. Et puis faut avoir. Enfin, faut le voir, Stevie Ricks. C'est assez marrant. Il ressemble pas mal. Il imite aussi les Bee Gees à la perfection quand il donne une leçon pour être un très très bon Bee Gees. C'est hilarant à souhait. Allez regarder sur YouTube si vous voulez, Stevie Ricks, R-I-K-S. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse dans la saga des Fab Four, mais ça concernait un petit peu Paul McCartney, hein, bon. Et là, c'était en 2008, l'album s'appelle The Fireman, alias Paul McCartney, tout le monde le savait depuis un moment, et le titre du morceau, Two Magpies. On revient en arrière, 1973. 1985, il n'y aura plus personne en vie. Eh bien, heureusement que c'était faux, ça. Mais en 1973, on ne pouvait pas savoir. Paul McCartney, c'est le meilleur de Paul, enfin, une partie du meilleur de Paul, sur RIG 90.7. Let's go. Back, back, back. C'est la radio des Beatles. Everybody had a good year. je vous ai proposé la version 2021 de cet album, de cette chanson-là, sur le coffret deluxe de Let It Be. Nous allons remonter le temps, enfin plutôt avancer dans le temps, puisque là nous sommes en 1970. Allons jusqu'en 1986. Le clip le plus cheap du monde du rock. Il est dans le métro, il chante une chanson, les gens le voient tranquille, et puis ils sont contents de voir Paul McCartney. C'est l'album Press to Play qui n'a pas bien marché, pourtant il y a de très belles chansons dessus. Et cette chanson plutôt sympa, Press, tout simplement. Quand on y repense, les Beatles nous avaient habitués à peu près à 2 albums par an. McCartney ensuite tout seul, ou plutôt avec les Wings on va dire, nous a habitués à 1 album par an. Et là, en 1986, enfin plutôt dans les années 80, lorsqu'il a fait moins d'albums, il n'y a eu que 3 ans entre cet album Press et puis l'album Flowers in the Dirt. Mais pour nous fans, ça nous a paru un siècle de 3 ans. Surtout que, à la fin des années 80, plutôt Entre 82 et 87, George Harrison était absent, il faisait son jardin. Et il n'y avait plus John Lennon, hélas. Et puis Ringo Starr, c'était la période où il allait remonter, et ça commençait à aller mieux. Mais bon, on était un petit peu, on avait faim de bonne musique. Eh bien, il nous a fait un superbe album en 1989, Paul McCartney, l'album Flowers in the Dirt, qui a tout relancé, et c'est parti jusqu'en 2030, avec la chanson My Brave Face, qui ressemblait beaucoup à un style Beatles. Il l'a lui-même affirmé, il a dit, mais s'il y a des gens qui ont le droit de reprendre le style Beatles, c'est bien mes potes et moi. Pourquoi pas? Et pour la chanson que je vais vous proposer, elle s'est rappelée de son père qui lui disait, si c'est trop lourd, pose ça là, si ça pèse une tonne, et puis on y reviendra après. RIG 90.7, la radio des Beatles. Give me your hand, I'd like to shake it, I wanna show you I'm your friend. You'll understand, if I can make it clear, it's all that matters. Put it there, if it weighs a ton. That's what a father said to his young son. I don't care if it weighs a ton, as long as you and I are here, put it there. Long as you and I are here, put it there. If there's a fight, I'd like to fix it. I hate to see things go so wrong. The darkest night and all its mixed emotions is getting lighter. Sing along. Put it there, if it weighs a ton. That's what a father said young son. I don't care if it weighs a ton, as long as you and I are here, put it there. Long as you and I are here, put it there. Et lorsqu'il a quitté les Beatles, lorsqu'il a dit allez, c'est bon, je n'y arrive plus, je claque la porte. Il avait déjà préparé des chansons qui auraient pu faire partie de l'album suivant des Beatles. En voici une, Every Night, sur l'album McCartney en 1970. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't want to get up, get out of my bed. Every night I want to play out, and every day I want to do. But tonight I just want to stay in and be with you. And be with you. Tonight I

June. Don't let me down. You have found her. Thank you. moitié de la chanson. Hey Jude. Et pourtant, ça marche. Bravo, bravo Paul McCartney. Et il faut avouer qu'en concert, lorsqu'il disait And now, just the girls, toutes les filles, wow. Et après, And now, just the boys. Et nous, on faisait un bruit. Ah, c'était bien, c'était très très bien. On va prolonger encore un petit peu de 25 minutes à peu près la saga des Fab Four avec retour en 1984. Not such a bad boy sur R.I.G. Spécial Paul McCartney. Let's go back, back, back, back, back. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. And it really doesn't matter if I'm wrong, I'm right. Where I belong, I'm right. Where I belong. Sylvia standing there, disagree, never win. In the car. De s'acheter sa ferme en Écosse, je pense, et puis il y avait dans la toiture pas mal de trous. Donc, du coup, il réparait les trous, tout simplement, et non pas des allusions à la drogue, comme certains de la BBC ont cru, comme d'habitude. C'était Fixing a Hole sur l'album Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band de 1967, appelé aussi la pierre angulaire du rock, parce que tout a changé à partir de là, ce qui... Auparavant et avant les Beatles, étaient les 33 tours étaient une collection de 45 tours sans plus. À partir au moins de cet album-là, voire même avant, c'était devenu de l'art. Ah oui, parce que là il y avait un fil conducteur, même si on a fait mieux après. Mais eux, les premiers, ont fait cette chose-là. Bref, dans les années 70, Paul McCartney adorait, il aime encore faire ça, faire des changements de rythme. C'était à la mode aussi, il faut le reconnaître, et il le fait tellement bien. Voici un medley qui date de 1973 sur l'album Red Rose Speedway, Hold Me Tight, Lazy Dynamite, Hands of Love, Power Cut. Ensemble, ça donne ça. Et c'est 11 minutes de bonheur sur RG. You come. Thank you. Rock is good. Good, good, good, good, good. Don't you think? Don't you let your dog bite me. all by me. Cette chanson provient de A Sideman's Journey par Klaus Voormann and Friends en 2009. I'm in Love Again. C'est un hommage à... Comment il s'appelle? Oui, Fats Domino. J'ai failli perdre le nom. J'ai 10 ans. Ta-na-na-na-na. Non, c'est Bebop Wildlife en 1971. C'est quasiment la fin de la saga des Fab Four rallongée. Encore deux titres et puis on s'en ira discrètement. Paul McCartney n'aime pas cette chanson. J'aurais préféré qu'il n'aime pas Spinning on an Axis, par exemple, en 2001 sur l'album Driving Rain. C'est une chanson que je n'apprécie guère, mais bon, chacun son goût, chacun ses goûts. En 2012, il m'a fait peur, Paul, parce que il avait changé de voix, la voix avait vieilli, et il nous fait un Ringo Starr, mais 42 ans plus tard, un album qui s'appelle Kisses on the Bottom, et avec une voix bien vieille. Mais très belle, ça

Il en manque plein. On aurait pu rajouter des tonnes de chansons, des tonnes. On pourrait doubler le score, là, faire 4 heures, 6 heures peut-être. On va rester là pour ce soir parce que il faut que je rentre. C'est obligé. Merci d'être resté. N'oubliez pas que c'est devenu une tradition. Quand Eric n'est pas là, il y a un petit bonus juste après le générique. Donc merci à toutes et à tous. Franchement, je n'ai pas vu le temps passer. À très très bientôt pour de nouvelles aventures. Cette fin de saison est plutôt sympathique. Ceci dit, je dis ça à chaque fin de saison parce que en fin de saison, je me lâche et il y a souvent beaucoup de McCartney parce que j'adore Paul McCartney. Allez, à très bientôt. Salut. Jésus.